C'est le dernier album de Roland Pesard. Roland Pesard, pour certains qui n'ont pas connu, c'était l'associé, si je peux dire, au point de vue technique, avec notre ami Jean-Désiré Bailly. On continue avec Roland, pourquoi pas. Chanson pour l'Auvergnat. Que voici et que voilà. Thank you. Et on continue, bien sûr, le 16h20, quelque chose. Il est 16h, je le dirai tout à l'heure, parce que je ne vois plus assez clair. Il doit être 16h21, à la pendule de Radio Arc-en-Ciel. On continue jusqu'à 18h, bien sûr. À 18h, en principe, vous devriez trouver l'équipe des sports de Radio Arc-en-Ciel. En attendant, eh bien, on va écouter Monsieur Pierre-André. Et c'est une dédicace, Pierre-André. J'irai cueillir un bouquet de jonquilles. C'est de la part d'eux. Vais-je le dire, vais-je le chanter? Non, c'est pas le moment. Alors, c'est de la part d'un ami, pour notre ami, c'est le cas de le dire, Paulette, qui vient de nous quitter. C'est également pour son mari Gilbert. De la part donc d'un ami dont je ne donnerai pas le nom, de la part de son mari Gilbert, bien sûr, de ses enfants Florence et Gilles et de son petit-fils Julien, pour la mamie Paulette qui donc nous a quittés voici quelques jours. Voici, j'irai cueillir un bouquet de jonquilles, Pierre André. Je sais qu'elle adorait les fleurs. Hein. Je t'offre ma chance, non ce n'est pas grand chose, le début d'une histoire. Je t'offre ma chanson, c'est un bouquet de roses, quelques vers de Ronsard. C'est un roman d'amour et une histoire de toujours, quelque peu démodée. Le temps d'une chanson, les fleurs de la moisson s'envolent au vent d'été. Alors pour 3 minutes, j'oublie tout et je chante pour toi comme un enfant. Toi mon amour secret, ma belle confidente, tu sais tout maintenant. Je t'offre ma chanson, si j'en fais un peu trop, si je perds la raison, c'est pas grave après tout de chanter quelques mots que jamais on avoue. Elle ne changera pas le monde, mais elle peut faire chanter nos vies. Dans nos cœurs il y a du soleil, tu vois, ça fait du bien. Et si ma chanson vagabonde au fond de ton cœur fait son nid, c'est plus joli pour avouer qu'on s'aime de couplet en refrain. Je t'offre ma chanson, il n'y a plus de valse, bientôt le dernier slow. Je t'offre ma chanson, l'air est si doux ce soir, le soleil est si chaud. Bon sang, qu'est-ce qu'il m'arrive, les mots comme une eau vive me font parler d'amour. Moi qui n'y croyais plus, moi qui n'espérais plus sourire encore un jour. Après ces 3 minutes, il nous reste le temps, il nous reste la vie. Tous ces mots échangés, qu'on s'écrit tendrement, qu'on lit et qu'on relit. Je t'offre ma chanson, si j'en fais un peu trop, oui, mais j'ai perdu la raison. M'en voudras-tu quand même d'avoir chanté ces mots justes pour dire je t'aime? Et si ma chanson vagabonde au fond de ton cœur fait son nid, tous ces mots que tu m'écris sont encore plus jolis. À chaque instant, chaque secondes, comme un grand soleil dans la nuit. Ils viennent m'apporter tout ce bonheur que tu m'offres aujourd'hui. Allez, on va rester dans les fleurs avec notre ami Pierre-André. Il va nous interpréter, cette fois-ci, il va nous interpréter la valse des lilas blancs. Ah, vais-je démarrer la valse des lilas blancs? Pas sûr. Et c'est de la part de Simone pour tous ses amis de l'accordéon, pour Mamie Geneviève et pour l'animateur. Merci Simone. Et bonne santé à vous. Eh bien, on va écouter, silence, on va écouter un autre morceau signé Sylvie Futrac. On l'a découverte la semaine dernière, Sylvie Futrac, qui sera certainement notre prochain invité. Et déjà, je vous annonce le samedi 14 décembre, la visite, et j'aurai le plaisir de recevoir Michel Vrobel, qui, ça fait déjà pas mal de temps, nous a rendu visite. Et je n'avais pas de nouvelles de lui, je l'ai appelé ce matin, ben on a discuté quand même pendant une heure, voilà. Il vient donc le 14 décembre prochain, entre 16h et 18h. Sylvie Futrac, El Cabrito, c'est un passe-d'autre, bien entendu. Thank you. Et on continue avec Sylvie, ce sera cette fois-ci chez Germaine, un samedi soir, un country fox. Sylvie Futrac. Valse maintenant, toujours interprétée par Sylvie Futrac, qui viendra nous rendre visite bientôt. Voici la valse chinoise. continue bien sûr l'accordéon, c'est Michel Prouhaut maintenant, son dernier album qui vient de sortir et qui s'intitule Accordéon en fête, et on a choisi L'amour c'est comme les anges. On continue avec Louis Lodrich maintenant, Perle de cristal. C'est pour le plaisir personnel de Monica Chevy. Ah, alors la perle de cristal est en perte de vitesse, c'est le cas de dire. Voici. Thank you. J'ai juré de t'aimer toujours. Lucienne Delisle avec l'orchestre musette Victor et l'accordéon Gus Visor. Dans les chansons d'amour, que cet accordéon jouerait si bien. Dans ce vieux bal, tu t'en souviens. Toi, tu n'as rien juré du tout, mais tes yeux m'ont paru si doux. Qu'aussitôt j'ai senti que c'était l'amour, j'ai juré de t'aimer toujours. Sabem que no dia 9 de novembro há uma grande festa organizada pela Rádio Arc-en-Ciel na Sala Montesson em Saint-Jean-Blanc e que a convidada dessa festa vai ser a grande artista Maria Lisboa. Então tome nota, é no sábado 9 de novembro na Sala Montesson em Saint-Jean-Blanc com a Maria Lisboa e o baile vai ser animado pelo grupo 25 de Abril. A entrada é só de 12 euros e 10 euros para todos os sócios da Rádio Arc-en-Ciel. Maria Lisboa pela primeira vez em Orleans, com seus bailarinos, a noite de sábado, 9 de novembro, na Sala Montesson, em Saint-Jean-Blanc, uma festa organizada pela Rádio Arc-en-Ciel. A Maria não vai com todos, mas nós podemos ir com ela, não é? Então contamos com vocês. Dans les faubourgs, avant on savait s'amuser, on avait tous envie de chanter. Viens, je t'emmène faire un tour au son des 78 tours. On va revoir en marche arrière les belles années du bal populaire. Et la balle se tourne, tourne, tourne comme notre planète. Y'a qu'une solution, danser. Et la valse tourne, tourne, tourne comme un grand moulin qui tourne. Nous avec les yeux fermés, on n'arrête pas de tourner. Et c'est Michel Prouveau et la valse tourne de la part de Mamie Geneviève pour Simone et pour l'animateur, merci. Ah oui, aujourd'hui c'est plus que chargé, hein, téléphone est occupé. Et la valse tourne, tourne, tourne, comme notre planète qui tourne pour revoir notre passé. Y a qu'une solution, danser. Et la valse tourne, tourne, tourne, comme un grand moulin qui tourne. Nous avec les yeux fermés, on n'arrête pas de tourner. Et on continue avec La vie est belle, avec l'accordéon bien sûr. Et cette fois-ci, ce sera la rhapsodie suédoise, je dis bien, par Tony Murena. Tony Murena, que voici ou que voilà. C'est comme on veut. Eh bien, on continue avec Harry Williams. Avec Harry Williams, que dis-je ? Avec Michel Prouveau, c'est pas tout à fait pareil. C'est la rumba frotteuse. We'll be right back. Arc-en-Ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Et on vous aime. C'est réciproque. 21, c'est ça, c'est 21, c'est le numéro. Près du feu qui chante, et c'est Jean Vessade. Moi, dehors la tourmente hurle dans le bois. Mon cœur se lamente d'être loin de toi, près du feu qui chante, bientôt contre moi. Un baillon maintenant avec Michel Prévost et ça s'intitule, j'ai perdu le titre et c'est pas grave, on va le retrouver, vous inquiétez pas. Un baillon et c'est la musica de Cubana, voilà, et c'est Michel Prévost. Et c'est pour le plaisir personnel, le jeu, enfin, plus exactement, c'est l'animateur qui l'offre à Monique de Vinci. La musica de Cubana, un soleil de feu qui brûle de haut en bas et vous met dans un drôle d'état. C'est une danse à piège pour les nanas, la musica de Cubana. Viens donc la danser, jamais tu n'oublieras la musica de Cubana. Et la musica de Cabana laisse la place à... le bonheur est entré dans mon cœur et Mimi le Prud'homme au chant Roland Gerbaud. J'ai compris dans tes grands yeux rêveurs que l'amour vaut mieux que la fortune. Et depuis cet instant le bonheur pour toujours est entouré dans mon cœur. Et depuis cet instant le bonheur pour toujours est entouré dans mon cœur. Des pagnes, l'été pour prendre des bains, d'autres vont à la montagne avec des tentes bombins pour s'offrir des bains de siège, d'autres vont se faire blanchir le derrière dans la neige, histoire de se rafraîchir pour éviter des frais tout en suivant la mode. Chez moi je prends le frais, le cul sur la commode pour éviter des frais tout en suivant la mode. Chez moi je prends le frais, le cul sur la commode, le cul sur la commode. Thank you.

bon petit passo avec Michel Prouvot, extrait de son dernier album, Accordéon en fa de ton. Maintenant, on va écouter extrait de son album Bal de nuit, monsieur, vais-je te dire, André Blot, et ce sera Capri, c'est fini. Bande abordée maintenant, 17h, passé de 25 minutes, si vous voulez. Tous mes renseignements sont bons. rivière, il fait bon dans votre moulin. Le froment vole dans la lumière, et partout, ça sent le bon grain. J'avais 12 ans et j'étais haut comme 3 pommes. En me voyant, vous me disiez d'un ton bonheur. Croyez-moi, ce sacré petit don, le métier lui semble à son goût. En ce sac, mets-le sur l'épaule. Maître Pierre, il fait bon chez vous. Hardi, hardi petit gars, bonnet sur l'œil, sourire aux lèvres. Hardi, tant qu'il a deux bras, un bon meunier ne s'arrête pas. Il fait bon chez vous, maître Pierre. Je me souviens de mes 18 ans. Votre fille était écolière, que déjà, moi je l'aimais tant. Et quand plus tard je l'épousais devenu grand, tout le village est venu danser dans la grange. Et toujours de ces grandes heures, le moulin continue tout doux, le tic-tac de son cœur fidèle. Maître Pierre, il fait bon chez vous. Hardi, hardi petit gars, bonnet sur l'œil, sourire aux lèvres. Hardi, tant qu'il a deux bras, un bon meunier ne s'arrête pas. Il fait bon chez vous, maître Pierre. À 30 ans, j'aimais mon métier. J'adorais ma jolie meunière. C'est alors que vous nous quittiez. Mais dans du ciel, vous regardez par la campagne tous ces moulins qui tournent du nord à la Bretagne. Vous pensez avec un sourire qu'on est là pour en mettre un coup, et qu'on a bien raison de dire maître Pierre, il fait bon chez nous. Hardi, hardi petit gars, on est sur eux, sourire aux lèvres. Hardi, tant qu'il a deux bras, un bon meunier ne s'arrête pas. Et on continue, bien sûr, un bon meunier ne s'arrête pas, et on continue avec Sylvie Futrac, qui sera donc une de nos prochaines invitées. Sylvie Futrac, c'est, nous interprète un medley de Madison. À la salle Montition de Saint-Jean-de-Plan, Arc-en-Ciel fête ses 34 ans. Et moi, je m'enrhume. Bonheur pané, cheveux en vent, caché dans un nuage le cher visage de mon passé. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux sans semblable. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. La vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mêlée passe sur le sable. Les pas des amants des humains. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux sans semblant. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mêlée passe sur le sable. Les pas des amants des oubliés. L'accordéon avec la bande abordée. Et ça s'intitule À la mémile, imitation de Michel Prudhomme. D'Émile Prudhomme, pardon. Il a la mode d'un artiste, on ne peut plus l'arrêter. Allons-y, attention ne bagarre, des nougats, la java à la mémile. Y en a pas des tas, des java comme ça, balancés à la mémile. Un tout petit pas, bien la montira, c'est Paris en plein dans le mille. Comme on entend les apaches et les pivales de fondue. Savouré comme ça, la java à la mémile. Je suis une chouette poupée, sacrément roulée, quand je danse à la mémile. Sous ma robe à fleurs, je sens mon petit cœur qui bat sur tes doigts agiles. Si je veux croquer la pomme, du fiel le maximum, toujours en super fort, fort, fort, fort. Mon petit homme, je suis un bon, mais comme dirait Prud'homme, vas-y, mets toute la gomme. Si tu as perdu une chaussure, c'est pas grave, je te l'assure. Cette java est parfois dure. Pour les petites natures, y en a qui savent pas la faire. C'est pourtant pas un mystère. On n'est pas des fonctionnaires. La java, il faut y aller. Allons-y, attention la bagarre, des nougats, la java à la mémile. Y en a pas des femmes, des java comme ça, balancé à la mémile. À tout petit pas, vient la mentira, c'est partout pour plein dans le mille. Comme on entend les apaches et les pivales défendues. Les sarpages jusqu'en bas. Savouré comme ça, la java à la mémile. Je suis une chouette poupée, sacrément roulée, quand je danse à la mémile. Sous ma robe à fleurs, je sens mon petit cœur qui bat sur tes doigts agiles. Si je veux croquer la pomme, tu fais le maximum, toujours en super fort. Mon petit homme, je suis un bon, mais comme dirait Prud'homme, vas-y, mets toute la gomme. Chercher des oies du côté de Pouilly-les-Oies à bicyclette. Soudain qui vois-je devant moi une belle fille aux frais noirs à bicyclette. En arrivant à sa hauteur, j'y fais un sourire enchanteur à bicyclette. Elle rit aussi, on parle alors, et elle me dit dans nos transports à bicyclette. Est-ce que vous êtes coureur? Je suis pas coureur. Est-ce que vous êtes monteur? Moi je suis balayeur. Avez-vous fait le tour? Non mais j'ai fait des tours. Des tours, des contours. Et même d'autres tours. Des tours de quoi? Candy, des tours de vélopardie. Vous êtes un blagueur. Est-ce que vous êtes coureur? Ah ben vous parlez de raisonnement. Dans les chanchons et les grillons, le soleil darde et ses rayons de bicyclette. Elle voulait que je chante un bras, mais à cela j'ai mis un frein de bicyclette. Près d'un tournant, il y avait un bois où l'on se dirigea ma foi à bicyclette. Mais comme elle roulait près de moi, voilà qu'elle me dit presque à mi-voix à bicyclette. Est-ce que vous êtes coureur? Moi je suis pas un coureur. Est-ce que vous êtes menteur? Moi je suis balayeur. Vous savez faire la cour? Oui, j'y réponds au carrefour. Ce qui est de faire à la cour, je la fais chaque jour. La cour à qui? Candy, la cour de la ferme Pardy. Vous êtes un blagueur, est-ce que vous êtes coureur? Alors vous prenez mes chaussures et faites mon vélo. Dans le bois j'y disais, voyez donc, sans boussole, nous nous guidons de bicyclette. Mais elle répétait pleine d'ardeur que j'étais un coureur-coureur de bicyclette. Je l'étais pas, ça s'est couru, mais alors je le suis devenu à bicyclette. Et comme je courais vers le but, voilà qu'elle fait comme au début à bicyclette. Est-ce que vous êtes coureur? Mais je suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur? Moi je suis balayeur. J'y redis en courant, car je continuais de courir vers le but à conquérir. et je suis pas arrivé. La moralité, quand je suis venu à la fontaine, un homme averti de la famous. Bien, on va écouter maintenant Pierre-André. Pierre-André que voici et que voilà, qui prend son temps. C'est heure passée de 42 minutes dans la pendule de Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, les meilleurs sons latinos. Arc-en-Ciel, c'est du soleil toute la journée. Ton cou vers l'océan du bonheur, rivière éternelle, tu gardes ma belle avec moi contre ton cœur. Ma rivière d'amour donne chaque jour du soleil aux amoureux. Rivière éternelle, tu donnes des ailes à tous ceux qui sont heureux. Une source vive pour une rose rouge qui coule un jour dans l'existence, qui coule avec des mots si doux qui nous touchent avec l'amour pour délivrance. Une source vive qui sort de ton cœur et qui coulera dans tes veines, comme le soleil donne sa chaleur pour te délivrer de tes chaînes. Sans rivière, tu découvriras le pays le plus beau du monde. Dans le bleu du ciel, ce jour-là, tu verras s'envoler de blanches colombes. De source en rivière, l'amour grandira comme une seule fleur immense. Une fleur magique qui t'emmènera à deux dans une folle danse. Rivière d'amour, je suivrai ton cou vers l'océan du bonheur. Rivière éternelle, tu gardes ma belle avec moi contre ton cœur. Ma rivière d'amour donne chaque jour du soleil aux amoureux. Rivière éternelle, tu donnes des ailes à tous ceux qui sont heureux. Maria Dina Mia, colère si ta chambre te convient le jour, paiera de ferias. Pas d'autre los, d'aficionados, mais à la trompette. Un gars de chez nous qui joue comme un fou, l'Espagne et la fête. Colère si ta passe au double d'amour, de la démodicia. Colère si ta peau, tes yeux de velours, je ferai les enfants pas. Loin d'ici les señoritas, les bandas et les colias. Colère si ta mia, Miguelina, chante la fiesta. Sa porte aux quatre vents. c'est ta maison, bergère, de rideau sous, et je t'attends. Les mots insensés qu'il t'a dit puisqu'il est parti. Viens me retrouver au cœur de l'été sur les coteaux de mon pays. La maison des bruyères au milieu des grands sapins verts n'attend que toi, bergère. Y a du bois pour passer l'hiver. La maison des bruyères ouvre sa porte aux quatre vents. C'est ta maison, bergère. Le rideau s'ouvre et je t'attends. Bonsoir à tous, comment ça va? C'est chouette, on est tous réunis. L'accordéon joue sa java. Margot, tu es la plus jolie. Petite fille aux yeux charmeurs, je joue pour toi tout en chantant. Petite dandine pleine de bonheur, joie de vivre et joie d'une enfant. Petite fille d'un soir d'avril. Ce bel amour qui dura, je crois, 1 an 4 mois. À quoi bon chercher à nous rapprocher? Je n'ai rien de reproche. Ne me dis plus tout, je sais tout, sais-tu. J'ai tout vu et j'ai tout entendu. C'est une obsession, pourquoi ta passion n'a pu fuir l'infâme tentation? Je sais que l'amour est aveugle, mais moi j'y vois trop clair, vois-tu. Ne me dis plus tout, je sais tout, sais-tu. Je t'en supplie, ne me dis plus tu. Un jour t'es parti avec un CD, puis t'es revenu avec un Barbie. Sans aucun remords, t'éparpilles ton corps. Je trouve que tu vas fort. Ne me dis plus tout, c'est tout, c'est tu, j'ai tout vu et j'ai tout entendu. C'est une obsession, pourquoi ta passion n'a pu fuir l'infâme tentation? Je sais que l'amour est aveugle, mais moi j'y vois trop clair, vois-tu. Ne me dis plus tu, je sais tout, c'est tu, je t'en supplie, ne me dis plus tu. Mais rappelle-toi pourtant, et bonsoir t'entends. Tu faisais du cheval sur le chauffage central, moi sur le sofa, je criais adada. Mais c'est bien fini tout ça. Ne me dis plus tu, je sais tout, sais-tu. J'ai tout vu et j'ai tout entendu. C'est une obsession, pourquoi ta passion n'a pu fuir l'infâme tentation? Je sais que l'amour est aveugle, mais moi j'y vois trop clair, vois-tu. Ne me dis plus tu, je sais tout, sais-tu. Je t'en supplie, ne me dis plus tu. Thank you. termine donc cette émission d'aujourd'hui avec la valse numéro 2 de Shostakovich, vais-je le dire, par la bande à barder. Dans quelques instants, vous allez trouver le sport avec José et Algemiro. Et puis nous, on se retrouve demain à 12h30 pour l'accordéon de nos régions. Bonne soirée à tous et à toutes. Oui, je t'entends. Je suis bien content. Oui, je t'entends. Il n'y a pas de souci. Tu vas bien? Impeccable. Je croyais à moitié, non? Non. Ah non, tu n'y as pas. Non. Il en reste une moitié. Non, c'est bon, ça va. Ça fait des mois et des mois que je raconte des histoires, et puis vous êtes toujours absent. Mais tu sais, samedi, quand j'allais chez ma fille, donc sur le trajet, j'ai bien vu que tu étais à traîneau. Oui. Moi, j'étais à traîneau? Oui, mon histoire. Ah, les soirs, même quand je suis pas là, ça se passe toujours à traîneau, quoi. Bruno, dit, ça se passe où? Ben, à traîneau. J'ai bien vu qu'ils t'ont demandé où ça se passait, t'as dit à traîneau. Tu vois, je t'écoutais. Mais je connais traîneau, tu comprends? Bah oui, je sais bien. J'avais une copine dans le temps. Bah oui, je sais bien, je sais bien que tu connais traîneau. En plus. Ouais. Bonjour, Algemiro. Bonjour, Michel, comment ça va? Bah écoute, il y a José qui m'attaque déjà. Non, je t'attaque pas du tout. Dis pas des choses qui. Non, c'est vrai. Bon, alors ça se passe, une histoire qui se passe après. Ah, après nous. Après nous, encore. Allez, Il s'en passe là-bas. Hein. Ah, ouais, il s'en passe des choses là-bas. Ah, ouais. Pourquoi, c'est une question que je vais vous poser. Ah oui, vas-y. Elle est toute courte. Hein. Pourquoi un chasseur emmène-t-il son fusil aux toilettes? Son fusil aux toilettes? Rien. Hop. Ah bon? Non, je n'ai rien. J'ai comme réponse? Bah, c'est pour tirer la chasse. Bah, je sais. Ah, je le savais. Ah bon, j'ai curé. Que dit... Ah, celle-là, tu la connais pas. Ouais. Que dit un informaticien quand il s'ennuie? Quand il s'ennuie? Ah, celle-là, tu la connais pas. Ah, bah, ouais. faudrait que je pose la question à ma fille, ça, tu vois. Je me fichier. Ouais, d'accord, le fichier, oui. Hein? Le fichier de l'ordinateur. Bien sûr, José. Voyons. T'as disparu de la circulation quand on ne voyait plus, non? Qui? Toi? Non. Ah bon? Non, je pensais que tu as pris la fuite. Non. Au Portugal. Ah, pourquoi pas? Non. C'est pas le bon papier. Bon, t'en as pas d'autres? Ah bah, dépêche-toi! Je vais vous raconter une histoire, ça c'est plus facile. Par cœur. C'est un gars qui est comme José, qui parle très mal. Le français, et en plus il bégaye. D'accord. Bon. Alors il rencontre un de ses copains, Algemiro, puis Algemiro lui dit alors ça va, José? Ça, ça peut aller. Ça se discute. Bon. Et qu'est-ce qui t'arrive? Ben, j'ai trouvé un boubou. T'as trouvé un boubou? Un bout de quoi? Non, ben, un boulot. Ah, ben, t'as trouvé un boulot. Oui. Et je suis con. Oh, ben, ça, je le savais depuis longtemps. Non, c'est pas ça, je suis content. Eh ben, bien. Et qu'est-ce que tu fais? Je suis chanteur d'orchestre. Avec ta voix, t'as chanteur d'orchestre? Oui. Et dans quel orchestre, que tu joues? Est-ce que tu chantes? Je chante chez Dada. Ah, tu chantes sur un cheval? Non, c'est pas ça. Je chante chez David Martial. Ah bon? Et qu'est-ce que tu chantes chez David Martial? C'est l'hymen. C'est l'hymen. Hein. D'accord. Elle est mignonne quand même. Elle est mignonne, oui. Alors, pour une fois, c'est rare, mais bon. J'en préparerai pour la semaine prochaine, si vous êtes là. Oui. Il n'y a pas de souci. Bien sûr. Bon, je ne sais pas. On sera là. Au complet? Tous les deux. Ouais. Pour nous, il n'est pas là pour nous. Ah oui. Bon. C'est comme ça. Voilà, c'est la vie. Bon, ben, je vous souhaite une bonne émission. Merci, Michel. Merci, et puis bon dimanche à toi. Ouais. Et puis, fais attention sur la route, ça glisse. Oui, et t'as pris ton gentiel? Oui. Ça arrose, hein? Ça arrose. Et tu sais pourquoi? J'ai un grand-père qui travaillait au pont de chaussée dans le temps. On faisait des fossés dans le temps. Oui, maintenant on en fait plus. Routes plates. Alors, bien sûr, ça y va. Ouais. Et encore, t'as pas de camion aujourd'hui. Ouais. Bon, ben, bonjour chez vous. Merci. Merci, Michel. Bon dimanche à toi. Merci.